Bonjour. Bon, le mois de novembre achève, on va entamer le mois de décembre. Ça devrait être très intéressant. Vous avez peut-être vu, il y a quelque chose que j'ai vu dans l'actualité, puis par après, bon, j'ai entendu des gens en parler, puis donner selon eux, d'où ça vient. D'où ça vient. Donc, on va en parler. Je sais pas si vous avez vu ça, c'est un militaire canadien qui est paru avec du vernis à ongles et une jupe. Et maintenant, dans l'armée canadienne, vont être acceptés les tatouages, le vernis à ongles pour les hommes. Ils pourront même porter un uniforme féminin s'ils le veulent. Par après, il y a eu le Doc Mailloux qui est amené à commenter ça. Puis, sa co-animatrice, elle... Moi, je trouve son analyse était correcte, c'est-à-dire que, à ses yeux, si l'armée est en train de devenir comme ça, c'est pour des raisons politiques, puis elle rattache ça à Justin Trudeau et ses sbires. Ben, en fait, c'est plutôt Justin Trudeau qui est la sbire de certaines choses, mais bon. Puis le Doc Mailloux, lui, il a ramené ça, il dit: Ah, oh, c'est la capine. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a eu comme ministre de la Défense quelqu'un qui était nommé un sikh. Donc, le Doc Mailloux, lui, pense que s'il y a du vernis à ongles puis des jupes dans l'armée, c'est à cause des sikhs, puis bon. Le Doc Mailloux, moi, je remets pas en cause ses études, je pourrais pas faire ça, c'est pas mon domaine. Puis, je remets pas non plus en cause son expertise, mais enfin, ça dépend sur quoi. Il y a des choses, on a le droit de commenter. Je veux dire, j'ai le droit de dire que j'ai les deux pieds posés sur une planète qui s'appelle la Terre sans être géologue, puis j'ai le droit de dire qu'en haut dans le ciel, la boule qu'il y a là qui nous éclaire, c'est le Soleil sans être astronome. Et je vais me permettre les mêmes choses par rapport au reste. D'accord? Donc, l'armée, les sikhs, l'histoire du Canada, le Canada fait partie de l'Empire britannique, et les sikhs ont toujours, depuis 1887, ont toujours servi. Il y a toujours eu des régiments de sikhs, il y a toujours eu des sikhs avec leur turban dans l'armée britannique, ça date de la fin du 19e siècle. Donc, ça n'a pas rapport. On essaye de déplacer le problème. Le vrai problème, les vraies influences qui fait que maintenant on a des hommes avec du vernis à ongles et des jupes dans l'armée, c'est le progressisme, puis la mouvance woke, puis ces affaires-là. Ça n'a rien à voir avec les sikhs. Mais le Doc Mailloux, bon, les sikhs, Guru Nanak, puis ces choses-là, l'histoire de Punjab, puis de ces choses-là, lui, il n'est pas au courant de ça. Pourquoi? Parce que c'est un fondrant. C'est un fondrant qui a fait des études. C'est ça qui est le Doc Mailloux. C'est pas un penseur, ça, là. Il n'est même pas capable d'analyser d'un point de vue historique le contexte actuel. Ça n'a rien à voir avec les sikhs. Mais absolument rien à voir avec les sikhs, là. Comme je vous dis, ça fait très longtemps qu'on est un pays qui fait partie de l'Empire britannique, le Commonwealth, puis il y a tout le temps eu dans l'armée britannique, traditionnellement, depuis la fin du 19e siècle, il y a toujours eu des sikhs avec leur turban puis tout. Ça n'a pas rapport, ils déplacent le problème. Pourquoi? À cause de sa haine. Ça, moi, je le sens, je considère que c'est de la haine, son mépris des autres cultures, des cultures, dans le fond, que je ne sais jamais pencher là-dessus sérieusement, là. Le sikhisme, ça m'a intéressé à un moment donné, dans le sens au niveau de l'histoire, puis aussi le fait que, qu'on le veuille ou pas, c'est lié à l'histoire de notre pays, parce qu'on est des sujets britanniques, qu'on le veuille ou pas, au niveau de l'Empire britannique. Donc lui, son point, c'est, ben là, c'est ton folklore, tu gardes ça chez vous, puis la capine, puis pas de turban. Ben, il est pas au courant, là, je veux dire, les sikhs, ils se coupent pas les cheveux, là, ils ont des longs cheveux, là, ils vont aller dans l'armée pas de turban avec les cheveux aux hanches. Dans le fond, c'est incroyable, c'est la voie de l'ignorance, au fond. C'est complètement ridicule d'aller blâmer les sikhs parce qu'on est rendu avec des militaires avec du vernis à ongles, ça n'a rien à voir. Complètement stupide. Faut vraiment ignorer totalement le contexte historique. Puis, dans le fond, pourquoi? Parce que le Doc Mailloux, il déplace le problème. C'est le progressisme qui a arrangé ça, qui a engendré ça. Le vernis à ongles, pas le sikhisme, qui est traditionnaliste, puis qui a des valeurs quand même, bon, hein, qui n'ont rien à voir avec des hommes qui se mettent du vernis à ongles, puis des jupes, là. Bon, par après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, donc? Il y a Pierre Blanchette qui réagit par rapport au Doc Mailloux. Pourquoi? Parce que là, le Doc Mailloux, il a fait une vidéo où il chiale, il fout de la Bible, puis bla bla bla bla bla. Ben, je l'ai pas écouté, le Doc Mailloux, parce qu'à un moment donné, le Doc Mailloux, moi, je viens que j'en ai plein le cul. Puis pas à peu près, j'aime bien mieux plaire Pierre Blanchette que Pierre Mailloux. Mais les pierres, ça a tout le même arrière-goût, hein? Un petit peu. Hein? On a l'impression de descendre dans une fosse puis qu'on va les recevoir par la tête, les pierres, des fois. Mais il reste que là, il y a... oui, il y a une détestation. Le problème, c'est que prenez l'histoire du bon samaritain. Bon, il y a longtemps, ben, encore aujourd'hui, les Samaritains sont considérés par les autres Israélites comme étant des étrangers, n'étant pas des Juifs, alors qu'ils font partie d'une frange du judaïsme qui est beaucoup plus ancienne que le judaïsme rabbinique, qui, eux, sont jusqu'à un certain point, leur point, si on pourrait dire, au niveau culturel, c'est le mont du Temple, à Jérusalem, le judaïsme rabbinique, alors que les Samaritains, c'est une autre montagne. Le mont Garizim. Le mont Garizim. Puis les Samaritains, bon, ils ont tout le temps été un petit peu à part, ils ont tout le temps été persécutés un petit peu, ils ont tout le temps été méprisés. Donc, puis encore aujourd'hui, les Samaritains, vous savez, pas longtemps avec y a la crucifixion, il y avait eu le Messie, le Mishaïa des Samaritains qui avait été supplicié. Les Samaritains, dans le fond, ont tout le temps été vraiment persécutés. Aujourd'hui, il y en a moins de 1000. Ils doivent être autour de 820 à 900, mais ils sont certainement moins que 1000 encore. Donc, il y avait l'histoire, le bon Samaritain. Pourquoi? Parce que dans cette histoire-là, on a un homme qui est dans le pétrin, qui a des difficultés, puis il passe ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, des bons juifs. Puis il ne l'aide pas. À un moment donné, il passe un Samaritain puis il l'aide. C'est une histoire extrêmement intéressante parce que ça nous démontre que ça n'a pas rapport avec la confession religieuse, ce qui fait qu'une personne est une bonne personne ou c'est pas une bonne personne. C'est-à-dire que les Samaritains, qui étaient considérés comme des hérétiques par les autres membres du judaïsme, étaient méprisés. Puis pourtant, pour la première fois, il y a quelqu'un qui exprimait une histoire justement pour essayer de se débarrasser d'une certaine subjectivité contextuelle pour expliquer que ce qui fait une bonne personne, ce qui fait une bonne personne, c'est pas sa confession religieuse. Cela n'a rien à voir. Donc, bon, là, Pierre Blanchette, il était pas content. Puis pourquoi? Parce que le Doc Mayou, bon, entre autres, il est allé dire que Jésus est un schizophrène paranoïde. Ce qui est profondément stupide, je veux dire, quand un expert témoigne dans un procès, comme un psychiatre par exemple, il n'a pas le droit de faire un diagnostic en cours au niveau de son expertise par rapport à quelqu'un qu'il n'a jamais rencontré par exemple. Aussi, il y a tout un contexte historique, un contexte culturel, il y a un contexte politique, puis on se rend compte que bon, ça touche beaucoup de sphères, puis bon. Au niveau de Jésus de Nazareth, on a affaire à des gens quand même très organisés. La preuve, c'est que ça a laissé une empreinte quand même durable, très très durable sur la culture, entre autres, occidentale. Donc, aller faire un diagnostic comme ça à plusieurs millénaires de corps, là, bon, c'est encore pire qu'un expert en cours qui se prononce sur un patient qui lui fait un diagnostic alors qu'il ne l'a jamais rencontré. Ça vient encore de sa détestation. Le Doc Mayou, qui est un être de détestation bon, de tout ce qui est religieux. C'est pas juste les sikhs, il haït toutes les religions, le Doc Mayou. Je pense que sa religion à lui, c'est ça. Donc, de comprendre que ça donne rien de réagir à ça. Le Doc Mayou, c'est un fondrant. Il est peut-être frustré, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les Capucins de Cap-Rouge, mais là, bon. On le voit, l'agenda, on voit c'est quoi, mais on voit aussi quand il déplace les causes à effet de certains problèmes, comme par exemple de dire que le vernis à ongles dans l'armée, c'est lié au sikh, alors que ça n'a pas rapport. Dans le fond, il défend sa religion à lui, qui est le progressisme, bon, un certain modernisme de la pensée, qui nous amène justement à voir des bonhommes avec du vernis à ongles et une jupe dans l'armée, ce qui n'a pas de maudit bon sens. C'était correct dans le temps, bon. Dans le temps d'Alexandre le Grand, d'aller se battre en jupe, mais là, ou bien les Highlanders, là, ça aussi, on en a toujours eu. On a des régiments en jupe, hein, on fait partie de l'Empire britannique, mais au moins, c'est les jupes des Highlands, c'est des clans écossais. C'est pas pareil. Mais il risque, bon, le Doc Mayou, il défend sa religion. Là, après, là, Pierre Blanchette, il parlait par rapport les médailles religieuses dans les sociétés initiatiques. C'est vrai, on voit ça notamment chez les martinistes. T'as pas le droit d'avoir même pas de la monnaie dans vos poches, pas de bouton de métal sur les habits, puis bon. Les raisons par rapport à pourquoi ils sont comme ça, C'est lié par rapport à certaines croyances, là, notamment au niveau la création d'un espace sacré, puis le fait que, bon, les certains effets de certains métaux. Or, quelqu'un de pieux, bon, habituellement, moi, l'affaire, là, d'avoir des amulettes de métal, bon, j'ai vu, là, M. Blanchette, il sort des médailles saintes qu'il y a. Ben, c'est sûr, c'est la religion du Doc Mayou, le modernisme, le progressisme, contre la religion de Pierre Blanchette, qui est pas, à mes yeux, liée aux évangiles, mais à l'Église catholique. Parce que dans les évangiles, il n'est pas écrit nulle part de c'est quoi sur les médailles, là. Il n'est pas écrit nulle part de commencer à entretenir des superstitions liées à des amulettes de métal, comme des magiciens de la Renaissance. Quoique, j'ai rien contre les gens qui croient à ça, les médailles et ces affaires-là. Mais il reste que moi, de mon côté, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien dans les évangiles qui dit de se mettre des amulettes de métal consacrées, là. J'ai pas vu ça nulle part. Ça vient sur de l'Église catholique. Donc, bon, la religion de ces gens-là, c'est pas Jésus, à mes yeux, c'est Saint Thomas d'Aquin, Saint Augustin, ainsi de suite. C'est ça, au fond. Donc, bon, c'est correct, je veux dire, c'est une guerre à mort. C'est sûr qu'ils vont continuer à. Bon. Pas que c'est si drôle que ça, là, au contraire. Mais c'est du niaisage. C'est du niaisage. Prenez l'affaire de déplacer, puis de ce qu'on pourrait appeler subjectiver le contexte. Parce que dans le fond, bon, l'affaire, la sortie du Doc Mayou, qui traite Jésus de schizophrène paranoïde, qui le diagnostique à 2000 ans d'écart, et puis sans l'avoir jamais rencontré, puis bon. Juste ça devrait. Bon. Parce que le Doc Mayou, il n'a pas l'air de comprendre qu'on a la liberté de culte dans notre pays, puis elle est garantie par la Constitution. Tu sais, je veux dire, au moins il pourra avoir, si on peut dire, un certain respect au niveau de ça. Ça fait partie des droits des gens. Puis bon, moi jamais je dirais ça c'est correct, ça c'est pas correct, c'est pas de mes affaires. Je considère par contre, j'ai le droit de donner mon opinion, mais c'est pas. Je veux pas que non plus que mon opinion fasse autorité. Moi, je vous dis juste comment je vois ça. Donc, par rapport à tout ça, bon, l'affaire de dire que c'est les Sikhs qui font que maintenant il y a des hommes avec du vernis à ongles dans l'armée, alors qu'il y en a depuis les années 1880, des Sikhs dans les régiments britanniques, entre autres. C'est n'importe quoi. Ça, c'est réellement subjectiver le propos. Prenez, pour c'est des techniques de manipulation de l'information. Prenez Justin Trudeau. Depuis quelque temps, il y a une vidéo qui circule qui dit que bon, Justin Trudeau aurait été un trafiquant d'armes, il aurait vendu de la drogue, il y a un jeune enfant qui serait mort à cause de lui. Puis ouais, mais ça, c'est ce qu'on appelle un faux scandale qui est fabriqué pour discréditer des gens qui pourraient amener des vrais scandales. Parce que ça, cette histoire-là, ça vient d'un projet d'un étudiant qui a mis en ligne une vidéo. D'ailleurs, si vous trouvez la vidéo originale, vous allez voir dans la description, il le dit très bien que c'est faux, là, c'est un projet d'école. Par contre, il y a des vrais scandales par rapport à Justin Trudeau, notamment quand il était professeur de théâtre. Il y aurait eu un règlement hors cour avec la famille d'une mineure, puis il y a eu ici, on n'a pas les médias ont pas le droit de publier sur ça. Il y a une ordonnance de non-publication. Pourtant, il y a eu un article de journal aux États-Unis. Mais j'ai beaucoup de difficultés à le retrouver sur Internet. C'est dommage, je l'avais, j'aurais dû archiver ça. Parce qu'ils en ont parlé aux États-Unis, eux autres, il n'y a pas d'ordonnance de non-publication. Ce qui arrive au niveau de certaines manipulations comme ça, c'est s'il y en a, par exemple, qui seraient sur le bord de sortir des affaires de même, les journalistes vont immédiatement dire, il y a des fake news qui circulent sur Justin Trudeau, c'est pas vrai. Puis là, ils vont sortir le vidéo, le travail d'étudiant qui dit que Justin Trudeau, c'est un trafiquant de drogue, puis bon, alors que c'est pas vrai. Ça, c'est pour déplacer l'attention par rapport à des vrais scandales. Que moi, je considère jusqu'à un certain point, même si on regarde avec un pas de recul, puis on regarde le contexte, puis on regarde l'ensemble, c'est pire. C'est pire. Donc, c'est une façon de déplacer le problème. Puis, c'est des techniques de psychologie de masse, très connues. Ça fait longtemps que c'est utilisé, ça. fabriquer un faux scandale pour le sortir quand on voit qu'un vrai est sur le point de sortir pour le discréditer d'avance. C'est des vieilles techniques très anciennes. Donc, on n'est pas pour débattre de ces affaires-là. Parce que, dans le fond, ce qui est important, c'est ce qui est pragmatique, le concret. Aussi, moi, les convictions de l'individu, ça lui appartient. Autant que le docteur Mayo va être méprisant en disant votre folklore, blablabla, comme si lui, il n'y en avait pas un folklore. À un moment donné, c'est à faire attention, parce qu'il y a des choses que, bon. Ben ça, bon, je veux dire que vous soyez, je ne sais pas, moi, peu importe à la base culturellement, puis moi, ça me, je le regarde pas ça. C'est comme dans la parabole du Samaritain. Moi, c'est ce qui fait la personne, c'est pas sa confession religieuse. Ça n'a rien à voir. Il y a du bon monde partout. Prenez le doc Leiby, le docteur Leiby, c'est un musulman, mais il est bien correct, le docteur Leiby. Bon, il fait des vidéos avec Amélie Paul, mais bon, peut-être qu'il y a des choses qu'il n'est pas au courant. C'est pas grave, c'est correct. Prenez l'écrivain Jacob Cohen. Au niveau là, je veux dire, c'est un monsieur très bien, même s'il est de confession juive, puis c'est correct. Je veux dire, c'est pareil pour les chrétiens. C'est pareil pour. Bon, moi, c'est pas par rapport à la confession religieuse que. Non, c'est par rapport à la capacité d'objectivité ou de subjectivité. Donc, oui, même les catholiques, vous pouvez jouer avec des médailles. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Par tant qu'on me force pas à croire à ça. Parce que moi, mon opinion, c'est des amulettes. C'est de la superstition. Oui, ça peut servir de support pour la prière, peut avoir un effet à cause de certains, bon, certaines lois subtiles. Mais jamais je vais procurer des médailles saintes ou faire bénir des médailles. C'est pas dans mes. Ben, moi, j'ai pas vu ça dans l'Évangile. Moi, j'ai vu ça chez les magiciens de la Renaissance puis de l'Antiquité qui font des affaires de même. Puis moi, ben, il y a longtemps, j'ai tout ce qui ressemble le moindrement à de la superstition pas de la magie, j'ai mis ça de côté. Donc, à un moment donné, là. Aussi l'affaire de ramener la. Il y a une différence entre la psychanalyse et la psychologie. Puis, ça, bon, Pierre Blanchette, lui, il fait un amalgame avec les deux. Puis. Ouais, il y aurait certaines nuances là, à apporter. On pas l'air de s'en rendre compte, mais peut-être qu'au fond, je suis un bon samaritain. Ben oui, pourquoi pas? Je veux dire, oui, c'est vrai que. J'ai jamais été confirmé, mais je n'ai rien. Je suis pas un anti-catholique. Au contraire. Hein? Parce que si j'ai un choix à faire entre Pierre Mailloux et Pierre Blanchette, j'aime bien mieux Pierre Blanchette. Hein? Au moins, il est honnête. Hein? Bon, même s'il joue avec des bébelles, là, des petites médailles puis des petites croix. C'est correct, il n'y a pas de problème avec ça. Mais au moins, il y a pas, on sent pas une détestation puis une haine. Autant que le docteur Mayo, là, lui, on le voit, c'est quoi sa religion? C'est le modernisme, c'est le progressisme, c'est tout ce qui fait que, bon, la société occidentale actuelle est un échec, au fond. Hein? On a le droit de culte dans notre pays, on a la liberté de religion, c'est garanti par la Constitution, par les chartes des droits et libertés, puis le pays, c'est du monde qui avait des familles, puis qui avait une certaine foi, puis qui l'ont bâti. C'est eux autres qui l'ont bâti. C'est pas. Des drag queens puis des affaires de même. Hein? Une civilisation, ça c'est quand il y a une décadence vers la fin que ça apparaît des affaires de même, mais c'est pas eux autres qui construisent la civilisation. Donc on est peut-être rendu à un point où une civilisation va se détacher de l'autre, ou une civilisation va accoucher d'une autre. Donc à un moment donné, il va falloir oui, se remettre dans le concret puis s'organiser. Vous savez, moi, j'ai rien contre. Bon, le judaïsme rabbinique, je l'ai dit là, dans une vidéo que j'ai enlevée, mais ce que je pense du Talmud, puis ce que je pense de Maïmonide, qui est pas un prophète tant qu'à moi, puis ce que je pense du judaïsme rabbinique, mais il reste que j'ai rien contre les communautés juives. Au Québec, on va être porté à avoir du mépris pour les communautés qui sont solidaires, qui se tiennent entre elles. Parce que nous autres, on n'est pas vraiment solidaires, dans le fond. On est en compétition les uns contre les autres. C'est pour ça que. Une de nos principales œuvres, celle de Grignon, qui raconte l'histoire de la colonisation des Laurentides, c'est l'argent qui établit le rapport entre les gens. Puis c'est toujours ça qui est le nerf Alors que au niveau communautaire, oui, il va y avoir certaines communautés qui vont servir de l'argent pour s'avantager, comme les Italiens qui ont investi dans l'immobilier au Québec dans les années 70, ou les communautés juives, que ce soit les Hassidim ou peu importe. Parce qu'à Montréal, bon, c'est un peu comme New York, il y en a pas mal. Bon, ben moi, je considère qu'il nous manque ça, cette espèce d'esprit de communauté-là. Puis dans le fond, les confessions, puis ces choses-là, ça nous divise. Puis ça fait qu'au fond, on ne voit pas nos intérêts. Donc, bon, si on est pour se regrouper pour des raisons d'intérêt, pour essayer de préserver, si on peut dire, un petit peu la civilisation, va falloir des fois fermer les yeux sur certaines différences au niveau des croyances. On n'aura pas le choix. Puis, bon. Puis, tu sais, vous savez, le problème, c'est, prenez le Doc Mayo qui parle des Sikhs, c'est clairement une culture qu'il connaît pas, ceux qui s'est pas vraiment informé dessus. Ben, c'est un petit peu comme les gangs de rue, là, à Montréal, là, maintenant, bon, des fois, ils vont tomber sur des hassidiques, puis ils vont les menacer, dire « Donne-moi ton argent, donne-moi ta montre », puis là, tout de suite, ils vont donner leur argent puis leur montre. Oui, mais ces gens-là, ils vont s'acheter des montres en toc qui sont plus ou moins de qualité. Ils ne traînent pas beaucoup d'argent sur eux. Puis ils lui donnent. Puis... Ben, vous savez, les coiffes là, des juifs hassidiques en fourrure, c'est de la zibeline, ça. Savez-vous combien ça vaut, un chapeau de même? C'est là, c'est par manque de culture, hein, parce que les gangs de rue diraient, donne-moi ton chapeau. Ça vaut 3000 piastres, autour de 3000 piastres, ces tocs-là. Puis bon, au moins il y a une certaine dignité communautaire. Que c'est sûr que quand on regarde les soldats là, avec du vernis à ongles, des jupes, nous autres on est en train de la perdre, on se la fait enlever. Donc à un moment donné, là, il va falloir, moi je suis pas en train de vous dire de vous mettre des redingotes noires avec des tocs à fourrure, c'est pas ça là. Mais il va falloir avoir un certain respect de soi-même si on veut se regrouper, avoir une certaine solidarité, puis qu'il y ait une certaine cohérence. Puis aussi voir où est réellement notre intérêt, autant collectif qu'individuel, parce qu'on le veuille ou pas, c'est lié. Puis bon, ben ce qui divise, en tout cas, mais c'est pas plus grave que ça. Puis on verra plus tard. Il y a l'oiseau manqueur, j'ai essayé de le rejoindre par Skype, mais bon, ben, il ne sert pas de Skype. Il va falloir trouver un autre moyen. Ceux qui ont les moyens, ce serait peut-être pas une mauvaise idée d'avoir aussi une ligne fixe au niveau des téléphones, là, puis bon. Savez-vous qu'au Canada, la loi fait que les ondes sont à tout le monde? Quand vous parlez sur un téléphone cellulaire, d'un point de vue légal, ça revient au même que si vous criez à quelqu'un, vous parlez à quelqu'un par la fenêtre. Donc, il y a des gens qui peuvent entendre, puis ils sont pas coupables. C'est pour ça que, bon, entre autres, la GRC, le CRS, la Sûreté du Québec, ils ont des techniques pour écouter les cellulaires. C'est des ondes courtes, hein? Puis c'est légal? Ben oui, c'est légal. Parce que les ondes n'appartiennent à personne. C'est pas une territorialité au sens de la vie privée comme on l'entend d'habitude. Pourquoi? Parce qu'ils jouent avec les lois pour pouvoir espionner le monde. C'est comme la NSA aux États-Unis puis ces affaires-là. Donc, ce serait peut-être pas une mauvaise idée d'avoir une ligne fixe. Puis de toute façon, si on n'a rien à se reprocher, oui, puis qu'on est d'une transparence totale, il n'y a aucune raison de craindre quoi que ce soit. Donc, bon, parce que là, qu'on le veuille ou pas, il va falloir collectivement que les Canadiens français, puis c'est pareil pour toutes les autres cultures de l'Occident, se réveillent pour se préserver. Parce que vous pouvez être certain que d'autres communautés dans le monde comme... Les Sikhs qui vont se préserver. Peut-être ça va se transformer. Peut-être que, bon, des fois, il y a des scissions, il y a des. Mais au moins, on peut pas reprocher. On peut pas reprocher, par exemple, aux Juifs hassidiques de se tenir entre eux. Pourquoi on n'est pas pour se mettre à les haïr pour ça? C'est rendu que nous détestons l'autre au niveau d'un principe d'altérité pour ce qu'il y a puis ce qu'on n'a pas. Alors que on devrait apprécier puis apprendre. Par rapport à certaines choses, parce qu'au niveau de la communauté canadienne-française, puis les attitudes que je vois, la façon dont on se traite en nous, mais ça, je pense, ça vient de notre côté français un peu. Hein? Hein? Notre côté français. Puis bon, c'est correct. Ça, pourquoi pas prendre ces défauts-là puis en faire des qualités? Une forme de sublimation. En tout cas, bon, ben, bonne journée.